Bienvenue à ce cinquième épisode d'Objectif numérique, intitulé RAW versus JPEG. Au menu de cet épisode, les objectifs prime ou prime en anglais, la stabilisation d'image, les différents types de filtres en photographie. Ensuite, nous vous présenterons quelques nouveaux appareils annoncés ou déjà disponibles cette année, en 2012. Nous obtiendrons enfin la réponse à notre question lancée lors de l'épisode 3 quant à la luminosité d'un capteur plein format versus un capteur rogné. Et nous aurons une discussion sur les formats RAW versus JPEG. Restez à l'écoute! On va commencer par des petites salutations et remerciements. On aimerait saluer nos auditeurs français qui sont de plus en plus nombreux à nous écouter. On cartonne en France, messieurs! Hey, c'est vraiment cool. J'aimerais remercier Sébastien Leclerc et Steve Lévesque pour leurs questions très pertinentes au sujet de la durée de vie des capteurs et des filtres. D'ailleurs, il y a David Irigoyen et Cyril du KCF qui aimeraient eux aussi entendre parler des filtres. Donc, ça a inspiré François pour sa chronique pour cet épisode. Finalement, il y a David Rémac qui aimerait qu'on aborde le sujet des logiciels de traitement des fichiers RAW. Ne vous inquiétez pas, on va consacrer un épisode à ce qu'on appelle le workflow ou la méthodologie de travail très bientôt, ce qui va englober les logiciels de traitement d'images et de fichiers RAW là, pour Mac et PC. Maintenant, j'aimerais vous inviter, les auditeurs, à nous laisser une note sur iTunes. Vous n'êtes pas obligé de laisser un commentaire très long, ça peut être un commentaire très court ou quelques mots, mais c'est surtout le fait d'avoir une note qui est important pour nous aider à grimper dans le palmarès des podcasts francophones. Et puis finalement, je vous invite à cliquer sur « J'aime » sur notre page Facebook ou à nous ajouter à vos cercles si vous êtes sur Google+, ou encore à nous suivre sur Twitter. Donc sur Facebook, c'est tout simple, c'est « Objectif numérique ». Sur Google+, même chose, Objectif numérique, le nom de la page. Et sur Twitter, le compte, c'est O numérique. Donc, ne vous inquiétez pas, on ne fait pas 36 mises à jour de statut par jour. On va publier seulement des trucs, des conseils, des liens intéressants concernant la photo, des choses du genre. Donc, merci de nous donner ce petit coup de main-là. Et on répond bien évidemment aux questions aussi. Oui, les questions par courriel et tout ça, je vais donner l'adresse en fin d'épisode. Donc, ou même par Twitter. Ah, ça nous est arrivé quelques aussi, fois oui. Récemment. Absolument, les suggestions de sujets aussi, les idées, des trucs comme ça. Évidemment, ben, plus on a de fans et plus on va être motivé à poursuivre ce projet-là encore très, très longtemps. Évidemment, la motivation est encore très présente, mais c'est toujours flatteur de voir les gens apprécier ce qu'on fait. Donc, aujourd'hui, ben, l'équipe habituelle est présente. Christian, bonjour. Bonsoir. François. Salut Stéphane. Salut. Et puis, on a un invité, Nicolas. Bonjour. En fait, Nicolas, c'est quelqu'un qui a répondu à notre question à l'épisode 3, si je me souviens bien, qui concernait la lumière. Oui, on est bien content de l'avoir parce qu'on cherchait. Hein? En effet. Donc, c'est ça. Mais en fait, je vais commencer par les réguliers pour le petit tour de table, puis on arrivera à Nicolas tout de suite après. Toi, Christian, de quoi tu vas nous parler dans cet épisode-ci? Aujourd'hui, je vais vous parler des objectifs, les quelques caractéristiques à vérifier dans un objectif stabilisateur, etc. Puis après ça, je vais vous parler aussi d'un type d'objectif qu'on appelle les objectifs prime. Bon, je vais vous donner un peu plus de détails par rapport à ça. Mm-hmm. Parfait. Et toi, François? Ben, comme tu disais tantôt, je vais répondre à la question de nos deux auditeurs à propos des filtres. C'est super parce que on va parler, entre autres, du filtre polarisant. Il y a pas mal de photographes qui savent à quoi ça sert, mais comment ça fonctionne, ah, ça c'est une autre chose. Mm-hmm. Je vais parler aussi de quelques autres filtres. Parfait, excellent. Et puis justement, notre invité, Nicolas Crevier, bienvenue. Bonjour. Puis c'est ça, ben, en fait, pour commencer, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à faire de la photographie? Moi, je regardais beaucoup de vidéos sur Internet de passionnés qui montraient comment eux autres faisaient pour faire de la photographie plus artistique. Alors ça, j'ai commencé à m'intéresser à ça et puis il y a quelques mois seulement, je me suis acheté ma première caméra. Mm-hmm. Et puis j'ai eu la piqûre. OK, puis t'as quoi justement comme appareil? J'ai une Canon T2i. Bon, parfait. Et puis justement, c'est un appareil très abordable. Maintenant que le T4i est sorti, là, la T3i a baissé, T2i, et puis c'est un bon appareil. Oui, très très bon. Là, vraiment, il va falloir trouver quelqu'un, Nikon, là, parce qu'ils vont vraiment dire que c'est une conspiration. Oui, oui. Ça s'en vient, mais... On vous jure qu'on n'a rien contre Nikon. c'est vraiment une peu coïncidence. Mais ça s'en vient, j'en ai un invité en banque qui c'est a des appareils Nikon. Bon, même, il y a deux appareils plein capteur, donc ça va être intéressant d'avoir son... Donc, puis c'est ça. Donc, Nicolas, de quoi tu vas nous parler, toi, aujourd'hui? Moi, je vais répondre à la question qu'il y a eu justement à l'épisode numéro 3 par rapport aux capteurs rognés et aux capteurs plein format, les mythes à propos de la luminosité et qu'est-ce qui se passe réellement quand on prend la photo, la comparaison entre le plein format et le capteur rogné. Parfait. Excellent. Puis aussi, en fin d'émission, on va avoir une discussion, peut-être un débat, on verra, sur les formats de fichiers RAW et JPEG, quelles sont les préférences ou les avantages de chacun. Donc, on entame les sujets tout de suite. On va y aller avec Christian. Merci, Stéphane. Donc, c'est ça, moi, ce que je vais vous parler, c'est les caractéristiques des objectifs. Une des choses qu'on peut voir souvent sur un objectif, c'est le stabilisateur d'image. Stabilisateur d'image, c'est quand même assez simple. Ça dit ce que ça fait. Ou ce que c'est vraiment utile, c'est surtout pour les zooms. Plus ton zoom est grand, plus il est loin, plus les chances que... surtout à des vitesses plus faibles, s'il y a un moindre tremblement, un coup de vent, quoi que ce soit, il va y avoir une différence, ça va faire que ta photo va probablement être floue. Le stabilisateur d'image te permet de compenser un certain nombre de stops ou de crans. Les stops, je fais un petit aparté rapide, c'était surtout utilisé dans le temps des appareils argentiques. On l'utilise encore la même notion, mais ça avait plus d'importance à ce moment-là. Quand on ouvre notre objectif, il y a certaines valeurs. Vous allez sûrement les voir sur l'objectif lui-même. Ou ce qu'on va voir, mettons, l'ouverture, ça va être marqué F, un petit F minuscule toujours, slash, et un nombre. Le fameux F. Exactement, qui veut dire l'ouverture. Donc, mettons, on a une ouverture à 1.4, il va avoir ouverture à 2.8, ouverture à 4, à 5.6, etc. Jusqu'à, ben, dépendant des objectifs, ça peut être 22, certains vont jusqu'à 32, ça dépend. Comme je rappelais, plus le chiffre est petit, plus votre ouverture est grande. Il s'agit d'une fraction, en fait. Exact. C'est ça. Donc, les f-stop, les crans, c'était différents crans. Donc, le premier que je me rappelle toujours, c'est on commence à 2.8. Après 2.8, ça passe à 4. Après 4, c'est 5.6. Après 5.6, c'est 8. Et bon, là, ça continue plus loin après ça. Je me rappelle toujours du premier, c'est après... Auparavant, ben, c'est parce qu'il y a des tiers de cran aussi. C'est pour ça que je dis la notion a perdu un peu de son sens parce que avec le numérique, les tiers de cran sont mis par défaut, ouais, puis on joue avec, puis ça n'a plus vraiment réellement d'importance. On peut mettre la valeur qu'on veut. Finalement. Exactement. Donc, c'est ça. Par contre, l'avantage, c'est que certains stabilisateurs d'image te permettent de compenser pour 2 ou 4 crans. Donc, si ton objectif est à 2.8, puis, pour une raison quelconque, il va falloir que tu le montes à 8 pour prendre ta photo dehors, ben, ça va te permettre de jouer plus facilement avec la vitesse, avec le si, avec... Tu sais, c'est toujours la même relation entre la vitesse, entre l'ouverture, etc. Ben, ça va te permettre de compenser par rapport à ça le stabilisateur d'image. Mm-hmm. L'autre chose ici qui peut être assez intéressante, c'est... je vais vous donner un petit exemple. Peut-être plus réel, plus concret par rapport à ça. J'ai deux lentilles, moi. J'ai une 24-70 2.8. Non, ce n'est pas une Canon, malheureusement, c'est une Sigma. Elle est défectueuse, comme je l'ai mentionné auparavant, mais elle fonctionne encore à 2.8. Mon autre lentille, ma 24-105, que j'utilise fréquemment, qui, elle, est à 4, mais elle a le stabilisateur d'image. Ben, malgré tout, même si l'autre a une ouverture plus grande, puis devrait me servir particulièrement quand il fait plus noir, etc., je prends presque toutes mes photos avec la 24-105 à cause du stabilisateur d'image, parce que il me compense le cran que j'ai entre les deux, puis ça fait presque pas de différence, sincèrement. Si j'ai un trépied, c'est sûr que je vais peut-être privilégier plus la première, la 24-70, parce que là, le cran, le stabilisateur d'image, à moins qu'il vente énormément de ce que j'ai vu un peu sur Internet, changeront pas grand-chose, rendu à ce point-là. D'ailleurs, c'est un débat, ça, qu'on retrouve souvent sur les forums. Il y a des gens qui se demandent, est-ce que je devrais acheter la 2.8 non stabilisée ou la F4 stabilisée? Puis, c'est parce que les prix sont vraiment prêts, là, tu sais, à ce moment-là. C'est vraiment... Ouais. Je vais aller dans le Canon, parce que c'est là que j'ai eu à faire un choix. J'ai été sur des forums, j'ai vraiment vérifié ça. Puis, il n'y a pas de réponse exacte. Il n'y en a pas. C'est vraiment au choix des gens... Une 2.8 va te donner un avantage dans certaines situations et d'autres situations, la F4 va être amplement suffisante, comme exact. Toi tu viens de dire. Fait que ça devient un choix personnel. La F4 va être plus légère que la que certaines versions de la 2.8 en tout mais cas. Mais ça peut faire une petite différence peut-être au niveau de la profondeur de champ, là, étant tout à donné fait. Oui, ça, oui, mais ça, définitivement. Là, juste qu'on descend dans les chiffres, donc on est ouvert avec le diaphragme. La profondeur de champ réduit, on a un plus beau background flou. Fait que oui, ça c'est justement une des raisons pour lesquelles une 2.8 deviendrait plus intéressante. Mais j'essaie de me rappeler si c'est pas Sigma, il y a une compagnie qui vient de sortir une 2.8 stabilisée. Tamron, je pense. T'as raison, exact. Ouais. C'est ça, j'essaie de me rappeler. C'était pas Tonica, je me rappelais, mais c'est Tamron. Tamron vient de sortir une 2470 stabilisée à 2.8. Je sens que ça va se vendre. Puis probablement aussi parce que le prix est quand même aussi plus bas que celle de la Canon. Bon, personne va s'obstiner sur le fait que c'est pas la même qualité de lentille, c'est pas justement ça m'amène à un autre point qu'on peut vérifier aussi dans les lentilles les plus chères de Canon qu'on appelle la série L, la grosse majorité d'entre elles, pas toutes, sont pas imperméables, faut pas utiliser ce terme-là. Le terme anglais c'est weather sealed. Oui. Ce qui est à dire que s'il pleut vaguement dessus, ça n'endommagera pas la lentille. Mettez-la pas dans l'eau, ressortez-la pas. Ben, disons que si tu fais juste la sortie et la rentrée, paraît-il que t'es correct. Moi, j'essayerai vraiment pas ça. Surtout au prix où ils sont, là. Ouais. Disons qu'il n'y a pas grand-chose que je vais l'essayer, celle-là. Mais semble-t-il que tu devrais être correct. Mais c'est ça. Ça peut être quand même un élément qui est important pour certaines personnes. Je sais que moi, ça a été une des raisons pourquoi je voulais justement ma 24-105. Parce que, bon, tu peux prendre des photos dehors, il neige, c'est pas la fin du monde, tu passes un linge dessus, t'es correct. Mm-hmm. C'est pas rien de dramatique. Ça peut être un élément important. Mais, vous devez vous en douter, autant le stabilisateur d'image, autant l'imperméabilité, disons, qu'on va utiliser pour simplifier les choses. Le terme francophone, c'est tropicalisé. Ah, oui, c'est vrai, j'avais oublié tropicalisé, ça. Tropicalisé, c'est bon. Je vais essayer de m'en rappeler, je garantis pas que je vais le réutiliser. Mais on va le réinviter. Oui. C'est un bon dictionnaire. Donc, c'est sûr que tous ces éléments-là ont un prix. Plus on en rajoute de ça, plus il y a des chances que l'objectif va coûter cher. Ce qui m'amène aussi à parler de un type d'objectif qui est très intéressant parce que ça donne un challenge très particulier. C'est les objectifs primes. Les objectifs primes, c'est que il n'y a pas de zoom. On a une valeur qui peut être un 24 mm, qui peut être un 35 mm, 50 mm, etc. Le fameux 50 qui est très populaire parce qu'il est pas cher là, pour faire un peu de portrait et tout ça. Mais c'est fixe. Alors, ça veut dire que si vous voulez avoir votre sujet plus proche, vous devez vous en approcher. T'as pas le choix. C'est un défi. C'est pas toujours facile à utiliser. Ça peut être très le fun parce que, justement, ben je lisais, j'ai cru voir que la 50 mm, Canon en sort une nouvelle version avec stabilisateur d'image. OK. J'ai été assez surpris. Ça peut être intéressant, ça, avec. Parce que oui, on reste avec une grande ouverture à 1.8, mais un stabilisateur d'image va en rejeter pas mal. C'est ce qui changerait la 1.4 qui est en ce moment. La 50 mm 1.4, il la changerait par une 1.8 avec stabilisateur d'image. Okay. Disons que ça m'intéresse pas mal. C'est quelque chose qui peut être très attrayant. Ça serait probablement moins cher un peu aussi. Ça va être sensiblement le même prix, d'après ce qu'il explique. Justement parce que le stabilisateur d'image va, malheureusement, ça complexifie. On entend parler que, parce que c'est pas vérifié, là, mais qu'un stabilisateur d'image va te permettre de gagner de 1 à 2 stops. Ouais. Donc, si on a une lentille 50 mm qui est à 1.8, avec un stabilisateur d'image, on peut aller chercher. On approche du ratio 1 pour 1. Là. Ben, il existe une lentille, je me rappelle pas c'est laquelle, une Canon à 0.9 d'ouverture. Ouais. J'en ai déjà vu une à... C'est ultra lumineux. Une à 1 sur l'EPAC qui était à vendre il y a peut-être un an ou quelques, qui était 8 000 $. Ah bon, c'est ça. C'est très rare. C'est très spécialisé. Extrêmement rare à trouver. Oui, bon. Mais c'est ça. Il y a beaucoup de... Comme on dit, il y a la 50 mm, la 1.8 qui est mythique parce que son prix est dérisoire. Mais il y en a quand même plusieurs qui sont assez intéressantes parce que il offre des capacités très bonnes pour un prix, j'irai pas jusqu'à modique, mais raisonnable. Il y en a une qui m'intéresse depuis un certain bout de temps, qui est la 100 mm stabilisée macro. Okay. Qui se vend pour, si ma mémoire est bonne, c'est 700 ou 800 $, mm-hmm. ce qui est assez raisonnable. Puis si tu veux faire un peu de macro, ben c'est pas mal, c'est quelque chose qui peut servir. À 100 mm, ben comme il disait, bon, pour le portrait, c'est pas l'idéal, parce qu'il faut quand même qu'on s'éloigne sensiblement pas mal à 100 mm, mais c'est quand même intéressant malgré tout. T'sais, ça peut toujours servir. Mm-hmm. L'autre que je voulais probablement m'acheter, qui est la 85 mm, mais là, tu sais, quand je disais qu'il y a une grosse différence quand tu as une ouverture plus grande. Il y a deux modèles. Canon, en tout cas, en fait deux modèles. Il y en a une qui est f1.8 et l'autre est f1.2. La f1.8 pèse pas grand-chose, est plastique, pas très très solide, qui, encore une fois, je pense que c'est 500, peut-être un petit peu plus, mais sensiblement dans ces environs-là. L'autre est 2300 $. Monsieur. Elle pèse... Je pense qu'elle pèse deux fois le poids de ma caméra. Okay. C'est effroyable le poids de ça. Mais j'ai vu des photos avec ça. Il y a un photographe qui n'utilise que cette photo-là, cet objectif-là. Et il prend des photos en concert. C'est hallucinant. Mm-hmm. C'est vraiment hot. Franchement, là, c'est vraiment hot l'effet que ça donne parce que avec la profondeur de champ, comme tu es à 1.2, mm-hmm. tu as une photo du chanteur, puis la foule, c'est juste si tu la vois. C'est des taches. As-tu un site web? Je vais essayer de le retrouver, celui-là. Ouais. Je vais essayer de le poster. J'aimerais ça. Ça fait longtemps que je l'ai vu, lui, mais je devrais être capable de le retrouver. Je sais qu'il prenait des photos. Il avait fait une tournée avec Deadmau5. Fait que probablement qu'avec ça, je devrais être capable de le retrouver. Okay. Fait que c'est ça. Il y a celle-là. Moi, c'est ça, la 85 mm, elle m'intéresse parce que, bon, la petite, pas la grosse, là, donc j'ai pas les moyens de me payer l'autre. Mais une 35 mm aussi, j'avoue que ça serait assez intéressant, mais j'avoue, je préférerais avoir un plein capteur pour ça, là, mais bon, à un moment donné, on a des limites à qu'est-ce qu'on peut avoir. Puis, probablement, vous avez déjà vu, ben là, surtout en ce moment, on a les Olympiques qui s'en viennent, vous avez sûrement vu les objectifs, les gigantesques objectifs que les photographes de sport prennent, c'est souvent des objectifs prime, justement. Mm-hmm. C'est bien rare. Il y en a quelques-uns qui vont avoir, mettons, comme une 70-200, une 70-300, mais la majorité, les très, très grands, là, c'est des 300, des 400, des affaires comme ça. Puis, dites-vous une chose, plus le bout de votre objectif est grand, plus ça veut dire que l'ouverture risque d'être petite. Je l'ai vu, je pense que c'est la 300 qui se fait en 2.8. La grosseur de ça, là, c'est incroyable. En fait, l'ouverture est grande, mais c'est le F qui est petit. Oui, j'ai dit le contraire, ça m'arrive des fois. Regarde, c'est quelque chose qui est tellement mélangeant que, vous voyez, même moi, des fois, je me trompe. Oui, ça fait quasiment pas de sens. Et avec ça, la lentille, le canon, si on peut dire, c'est-à-dire la longueur de la lentille étant plus longue, il faut qu'il y ait plus de lumière qui puisse entrer. Fait que donc, au bout de la lentille... c'est bien plus grand, là, tu sais, on se trouve avoir un diamètre de lentille au bout, là, qui peut être 30-40 cm de diamètre, là, c'est vraiment, t'as pas le choix, parce qu'il faut que la lumière traverse, peut-être, je sais pas, moi, à peu près, quelque chose comme... 40-50 cm. Ah oui, là, oui, puis et plus. Des 800 mm, c'est assez long comme canon, là. Exact. Puis si vous voulez bien rire, là, si vous voulez voir... l'objectif que j'appelle personnellement le bazooka. Vous irez voir la Sigma 200-500 2.8. Ça s'appelle le bazooka, puis il y a une bonne raison. C'est vraiment gigantesque, cette affaire-là. Ça prend une valise de transport. Ouais. Ça vaut au-dessus de 20 000 $, je pense. Quelque chose exact. Comme ça. C'est 25 000 si ma mémoire est bonne. Puis ça prend plus un monopied, là, ça prend un trépied. Si ma mémoire est bonne, je pense qu'il est inclus. Ouais, probablement. Tu es rendu à ce point-là. Là, à 25 000, je pense que ça ne la dérange pas de te donner le trépied par rapport à ça. Tu fais de la belle photo d'oiseau avec ça. Oui. Dans la ville voisine. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Ben, c'est un petit avant-goût, c'est ça. Comme je vous dis, il y a beaucoup de monde qui disent que les objectifs prime, ce que ça l'aide le plus en photographie, c'est vraiment de se positionner. Parce que ça te force à te baisser, à te reculer, à bouger tout le temps avec ça. Fait que c'est pour ça que c'est sûr et certain que ce qui est très attrayant de la 50 mm, c'est justement qu'elle coûte à rien. Fait que allez-y, achetez-la. Parce que c'est quelque chose que vous allez jouer avec. Puis au pire des cas, savez-vous quoi? Vous pouvez la revendre. Puis pas perdre tant d'argent que ça, c'est étonnant. Non, les prix fluctuent presque pas, ou même exactement. Des fois augmentent à cause du prix du verre pour fabriquer les objectifs. C'est ça. Mais un objectif, si jamais vraiment une perte. Puis comme si je te dis, même la 50 000 mètres, j'en ai vu sur les packs à 100$, mais c'est parce qu'elle se vend 125. Puis vendu fréquemment, là, c'est quelque chose qui est un petit investissement qui est le fun, qui coûte à rien. Puis, comme je disais, ce qui est plaisant de ça, c'est que si vous voulez prendre un peu de photos puis qu'il n'y a pas de luminosité, ben, t'es à 1.8. Fait que ça dépanne ouais, beaucoup. Alors, ça m'a dépanné justement des spectacles là, quand t'es assis quand même assez proche, mm-hmm. parce que c'est pas une 70-200 évidemment, exact. Mais en étant assis pas trop loin de la scène, une 50 mm 1.8, c'est génial, ça fait le boulot. Exactement, puis là, moi c'est ça, là. Moi j'ai revendu la mienne, puis ça fait déjà un certain bout de temps, le gars j'y avais dit, si tu veux t'en débarrasser, tu me fais signe, parce que moi je vais la récupérer, mm-hmm. puis c'est ce que je compte faire. Bon, merci Christian. François, toi, tu vas nous parler des filtres. Oui, monsieur. Les filtres, c'est vraiment quelque chose qui était beaucoup utilisé avant dans le temps de l'argentique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des logiciels qui permettent de faire un paquet de corrections que les filtres faisaient avant. Par contre, il y a certains filtres qui ne peuvent pas être simulés encore dans les logiciels. Mm-hmm. Entre autres, le fameux filtre polarisant. La grande majorité des photographes savent c'est quoi maintenant. Mais j'ai posté un petit tout petit article là-dessus pour donner un exemple sur le blog justement la semaine dernière, ou il y a deux semaines en fait. Oui. Puis on voit un super exemple d'ailleurs dans ces photos-là à quoi ça sert un filtre polarisant. La première utilisation de ça, c'est de un petit peu saturer les couleurs. Ça va permettre de donner un peu de punch à notre image. Ça va permettre d'éliminer des réflexions dans les fenêtres. De maison. Dans l'eau aussi. Dans l'eau aussi. Sur un lac, par exemple, si on fait de la photo de panoramique, disons, de nature. Il y a un paysage. Terme pour ça. De paysage, oui. Voilà. Merci, Nicolas. Souvent, on va se retrouver avec cette situation-là. Si on a un lac, ben le soleil reflète dans l'eau, puis ça donne une espèce de petit effet là, blanc. Avec un filtre polarisant, on est capable d'éliminer ça. Bon, la façon que ça fonctionne, un filtre polarisant, il y en a deux types. Il y a des circulaires, puis il y a des fixes. Oubliez les fixes. La meilleure façon de travailler avec un filtre polarisant, c'est un filtre circulaire. Ça va se visser sur votre lentille ou ça va s'insérer dans un... cherche le mot français. Un support, ouais, sur votre caméra. Et avec ça, on va pouvoir atténuer ou augmenter l'effet de la lumière dans la lentille. Bon, comment ça fonctionne un filtre polarisant? Je ne vais surtout pas entrer dans les détails physiques, parce qu'on parle de lumière, réfraction de lumière, d'angle de lumière. Mm-hmm. Bon, le filtre polarisant, en gros, là, ça permet à certains rayons de lumière de rentrer dans la lentille, mais selon un certain angle. C'est ce qui permet d'éliminer les réflexions. Mm-hmm. Ça, c'était la version très courte, parce que je ne veux pas entrer là-dedans. J'ai pas fait une recherche exhaustive. Je ne suis pas un physicien non plus. Mais l'important, c'est que quand on se procure un filtre polarisant, on peut justement le tourner. Là, quand oui, c'est ça. Puis là, on voit la différence, oui, justement, de réflexion de lumière qui entre dans l'objectif. Mais je voulais faire une petite mise en garde. Un filtre polarisant réduit beaucoup la lumière qui entre dans l'objectif et on, oui, perd d'écran, contrairement à ce que Christian parlait tantôt avec la stabilisation. On perd l'équivalent de deux crans facilement là, en luminosité. De par sa nature, étant donné qu'il limite certains rayons lumineux d'entrée, ben oui, il va couper de 1 à 2 stops. Par contre, la plupart du temps, c'est à l'extérieur qu'on va effectuer nos photos. Oui. La profondeur de champ, souvent, quand on shoot un paysage, ben ça va être large. Fait que c'est un compromis à faire, mais la plupart du temps, c'est pas grand-chose qu'on perd, tu sais, en termes de qualité photographique. Oui. Ben dehors, c'est ça, une photo qui va prendre un 4 000e de seconde, même si on est à toute petite ouverture F13 ou F22, avec un filtre polarisant, on va peut-être tomber à 1/250e ou même un 1 000e, ouais, ou je sais pas. Mais au pire, tu peux tout annuler ça en prenant un trépied. De toute façon, c'est de la photo de paysage, etc. C'est quelque chose qui vaut définitivement la peine de traîner ton trépied dans ce temps-là. Et je me permets de glisser un petit conseil à ceux qui utilisent un trépied. D'ailleurs, j'ai vu une petite différence. Quand vous avez un objectif avec stabilisation, il faut la désactiver. J'ai entendu la même trépied. Chose, moi aussi. Ça fait une différence. Vous ferez des photographies de lune avec un trépied. Laissez la stabilisation et votre lune est plus floue que si vous enlevez la stabilisation d'image sur le trépied. Ben, j'imagine que s'il y a le moindre petit tremblement, c'est là que ça vient. Ben là, l'objectif essaie de compenser ou l'appareil avec la stabilisation, mais là, ça rend l'image floue. Compense trop, ça se peut. C'est pas une grosse différence, mais juste assez pour dire que, comme là, dans mon exemple de la lune n'est pas tout à fait clair ou sharp, si je peux me permettre l'expression. Ah, c'est intéressant. C'est bon à savoir. dans les exemples là, de où on peut utiliser un polarisant, ben, on reparlait tantôt de, c'est ça, de ciel, tout ça. Faites l'essai. Si vous avez votre fil polarisant circulaire, faites-le tourner. Mais attention, s'il est midi, ça sera presque pas effectif, l'effet. Okay. Il faut vraiment, pour que ça soit au maximum de son efficacité, on parle d'à peu près 45 degrés. Là, je parle de la source de lumière. Même jusqu'à 90, ça fait un bon travail. Si on est vraiment, comment je pourrais dire, si le soleil est au-dessus d'une de nos épaules, on est comme à 90 degrés, si on veut. Ben, en fait, c'est par rapport à notre sujet aussi. Au sujet. Pas juste la source de lumière. En fait, je parle, c'est ça, face au sujet, si le soleil est directement... de côté, là, d'un, soit à notre gauche ou à notre droite, ouais. On se trouve, je te dirais, à être à 90 degrés du sujet. Ouais, ouais. Mais bon, entre 45 et 90, ouais. Ça fonctionne bien. Oui, puis on peut le voir là, en faisant pivoter le polarisant. Maintenant, une grosse erreur que les gens font avec le polarisant, puis ça, c'est vraiment, on peut le voir assez bien, on le met au maximum de son efficacité. Ça, ce que ça va faire dans certains ciels, par exemple, on va se retrouver avec une zone plus noire, ce qui est vraiment pas naturel. Oui. Évidemment, on peut rechercher cet effet-là. Si on regarde Instagram, il y en a plein d'exemples de fausses polarisations. Puis hop, on a un coin du ciel qui est devenu super noir. Bon, avec un filtre polarisant, on peut aller un petit peu trop loin aussi dans l'effet, puis c'est ça que ça va donner. Personnellement, moi, je trouve que c'est pas joli parce que c'est pas naturel. Mm-hmm. Bon, si c'est ça qui est voulu, ben parfait, c'est vous l'artiste. Il y a un effet qui est assez particulier qu'on peut obtenir avec le fil polarisant. Je ne l'ai pas essayé, mais je l'ai lu. Mais un arc-en-ciel, si on utilise un polarisant, ça apparemment qu'il va péter. Il va vraiment exploser dans l'image. Les couleurs vont être saturées, comme tu parlais tantôt. Oui. Ah oui. C'est ça. Oui. Fil polarisant, ça sature toujours les couleurs un peu aussi, en même temps que ça atténue certains effets de réflexion de lumière qui sont pas désirés. Fait que, voilà. Donc, c'est un must, en fait, ce filtre-là, dans la trousse de photographe. Oui, tout à fait. Ça coûte pas très cher. Ben, en fait, ça dépend du diamètre de ton objectif. Ouais. Ah, bon, là, je connais pas les prix, là, mais puis, c'est quelque chose qui est quand même Je voulais le garder pour la fin, mais vu qu'on l'aborde, autant en parler tout de suite. Très important, il y a plusieurs qualités de filtres. Ça peut aller d'un filtre à 5$ que tu pognes sur eBay, comme tu peux avoir un filtre à 70, 80, 100, 200$. Oui. Et ça fait une très grosse différence. Absolument. Encore une fois, j'ai vu un lien cet après-midi qui prenait... Ben, c'est un filtre UV. Là. Bon, les filtres qu'on prend tous, tout le monde, pour, dans le fond, protéger plus son objectif. Ça change absolument rien. C'est vraiment juste protéger l'objectif. Mais un mauvais... versus un bon, vous ne croirez pas la différence. La photo, elle est jaune quand il y a un mauvais versus le bon. OK. C'est incroyable la différence. Puis moi, j'avais acheté un filtre polarisant, justement, comme tu dis. Il était de qualité médiocre, puis j'étais pas capable de rien faire avec. Ah, OK. Fait que je vous conseille pas d'y aller pour trop... y aller pour quelque chose de moyen. Là. Un filtre polarisant qui a du bon sens, là, c'est un 60-70$. Ben, c'est le pas mien, donné. Pour l'objectif de base là, sur un Canon... Là, ouais, 52 mm. Ouais, 52 mm, c'était un peu... Moi, je l'ai payé 90 ou 100$. Ouais, ça a de l'allure, c'est ça. Puis là, sur ma Sigma 17-50, qui est f2.8, ça joue entre 160 et 200$. Ah, c'est ça. Donc, c'est plus cher parce qu'il y a plus de verre, finalement, aussi. Là. Mais ça vaut vraiment la peine d'investir dans un filtre de qualité parce que c'est un élément qu'on rajoute à l'objectif. Mm-hmm. Si on a payé cher pour un objectif, on vient un peu d'éliminer tous ces bons points. Ouais, tout à fait. Oui, tu as bien raison. Tout à fait. Puis d'ailleurs, Christian, tu parlais de filtre UV. Ça, c'est un filtre. Dans le fond, c'est une lentille claire. Il n'y a pas... pas vraiment de bonus à avoir ça, si ce n'est que ça va protéger ta lentille. C'est ça. Juste avoir ça. Un filtre, on appelle un filtre neutre, il y a un petit zéro, là. Ouais. Les plus populaires, c'est les Hoya, là, à 25$ là, au magasin. Mais... Ça, c'est un bon ajout aussi. Ça, c'est un bon ajout à avoir dans son kit parce que ça peut toujours arriver qu'il y ait un éclat, une petite roche, n'importe quoi, quelque chose qui cogne sur la lentille. Mon prof de photo a échappé la sienne. Et c'est justement ça qui l'a sauvé parce que il tombait face vers le bas, puis c'est le filtre UV qui a mangé le coup plutôt que l'objectif. Qui a absorbé le choc. Exactement. Ouais. Puis d'ailleurs, une autre petite parenthèse, parce que celle-là était très très drôle, c'est il y a une compagnie qui loue des lentilles, des objectifs, Lens Rental, d'ailleurs si vous voulez aller checker, ça vaut définitivement la peine. Mm-hmm. Puis le monde sont pas toujours corrects, et des fois ils changent les filtres UV, ils prennent le leurre de mauvaise qualité et ils le remplacent avec le bon. Fait qu'ils sont ramassés des dizaines de filtres comme ça, puis ils ont tous mis l'un après l'autre, puis ils ont pris des photos, ils ont fait des tests, il y en avait genre 30 de mauvaise qualité l'un après l'autre, je vous jure, on voit à peu près rien de la photo après. Fait que ça vous donne une idée comment que un mauvais filtre, comme ça, je veux bien croire, là, bon, il y en avait beaucoup, c'est normal, mm-hmm. mais pareil, c'est juste pour dire, le point qu'il voulait prouver, c'est, regardez, si on en met un, c'est sûr que ça dégrade. Fait qu'imaginez plusieurs, c'est sûr que tu vas avoir encore plus de dégradation. C'est ça. Donc, le fameux filtre neutre, s'il n'est pas de bonne qualité, après ça, un filtre polarisant, s'il n'est pas de bonne qualité, on vient de dégrader complètement la photo. Là. Ouais. En fait, toutes ces photos. Dans d'autres filtres qu'on peut avoir dans son kit, puis là, c'est un petit peu moins un must là, d'avoir ces filtres-là, parce que avec les logiciels comme Lightroom, comme et, bon, c'est celui que j'utilise, il y en a d'autres, Aperture pour Mac, on peut vraiment simuler les filtres que je vais vous décrire. On a des filtres de densité neutre. Bon, ça, ce que ça fait, c'est que ça permet de couper la lumière qui entre dans l'objectif et dans la caméra. Un exemple qui peut être très pratique en photo, Nicolas, t'en parlais un petit peu tantôt, tu fais de la photographie artistique. Je vais donner un exemple de photographie artistique que peut-être tu as déjà fait. Tu mets un filtre de densité neutre. Ça va faire baisser, comme je disais, la lumière qui va entrer. Ça va te permettre de faire, par exemple, une photo, tu es dans un champ, puis tu vas avoir le ciel, le sol, puis dans le champ, il y a des espèces d'herbes longues qui bougent. Bien, en mettant moins de lumière qui entre, on peut baisser sa vitesse, mm-hmm. donc créer un flou. Ça va ressembler un peu à de la peinture, l'effet que ça va donner. C'est vraiment magnifique ce qu'on peut faire. C'est l'équivalent de couper, je ne sais plus combien de stops, mais jusqu'à 8 stops de lumière. Ouais, on peut faire ça avec l'eau aussi, que ça devient comme avec l'eau, du avec coton, des chutes. Des chutes. Avec de l'eau qui passe autour des roches. Ça donne une espèce d'effet là, super soft. Là. L'eau devient complètement... filamenteuse. Oui, ou même comme... Je pense que tu as le bon temps. Il y a aussi un autre effet qui est possible avec ces filtres de densité neutre. Quand on en a un qui est très, très sombre, d'habitude à peu près 8 crans, ça nous permet, si on prend une photo d'un endroit public, une longue exposition en plein jour, ça nous permet d'éliminer toutes les personnes qui passent par là. En voyage, là, tu veux prendre une fontaine en quelque part, mais tu veux pas qu'il y ait 18 personnes autour qui marchent devant ou derrière. Une longue exposition va éliminer les passants. Évidemment, les passants. Ça vous prend un trépied pour faire cette shot-là. Oui, parce que, à moins que vous soyez la personne la plus stable sur la Terre. Dans la catégorie des filtres de densité neutre, il y a aussi avec gradation. Je pense que c'est le bon terme, gradation. Oui, filtre gradué. Un filtre gradué. Ça, c'est hyper pratique quand on fait de la photo de paysage. Puis qu'on a. Avez-vous remarqué quand vous prenez une photo puis que le ciel est vraiment clair par rapport au sol. Mm-hmm. Ça arrive très souvent. Ça prend vraiment un ciel ultra bleu pour avoir une bonne balance. Quand c'est pas le cas, quand c'est un ciel nuageux surtout, quand il y a une couverture nuageuse importante, ben le ciel il va devenir blanc, plus de détails vraiment dedans. Il va être trop fort par rapport à la Terre. Le filtre gradué, ben lui, ce qu'il fait, c'est qu'il part foncé en haut, puis tranquillement, il devient de plus en plus clair dans le bas de la lentille. Donc, on peut vraiment aller ajuster le ciel, l'intensité, au lieu de faire du HDR. Parce qu'avec du HDR, ça, c'est une technique qui permet de balancer des intensités de lumière avec un minimum de 3 photos, disons. Mm-hmm. Ça, c'est une technique qui est super utilisée. Il y a beaucoup de gens qui aiment travailler avec ça. Si on veut travailler à l'ancienne, c'est-à-dire sans trop travailler sa photo avec le logiciel, ben le filtre gradué va être hyper pratique. Personnellement, en télévision, moi, où ce que je travaille beaucoup, c'est vraiment beaucoup utilisé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, à 30 images secondes, en Amérique du Nord, c'est 30 images par seconde, le temps de montage serait effrayant s'il fallait qu'on retouche chaque image, tu sais. Alors qu'en photo, ben là, on peut le faire. Et d'ailleurs, ces filtres-là aussi se vendent soit ronds ou carrés, qu'on peut mettre dans un support, parce que j'en ai acheté il y a peut-être 2 ans. Là. Oui, puis dans les supports, ben, ceux qui sont intéressés à peut-être voir les supports, il y a 2 compagnies qui sont connues, c'est Lee puis Kawkin, qui font des filtres et des supports. Il y en a probablement d'autres marques. Petite anecdote, Kawkin, ça vient du nom du créateur qui était Monsieur Coquin. C'est un nom français. Ah, OK. Oui. Bon, donc c'est Coquin. Eh oui, okay. Mais on prononce Kawkin ici, mais c'est Coquin en fait. On salue Monsieur Coquin. s'il est encore de ce monde. Et voilà, c'est pour moi, en tout cas, c'est les filtres les plus importants. Il y en a d'autres aussi qui sont super intéressants, pour un dernier petit mot là-dessus. C'est les filtres, je sais pas c'est quoi en photographie, mais en télé, on utilise ça, c'est ProMist. Donc, ça donne une espèce d'effet flou, un peu comme si on mettait à l'ancienne de la vaseline sur les objectifs. OK. Donc, ou de la gelée de pétrole. C'est un, oui, oui. C'est un filtre qui est vraiment piqué au jet de sable, probablement, juste un petit peu. Donc, quand on prend une photo au travers ça, ça donne une espèce d'effet vaporeux, un peu au travers de la brume. Ça enlève les détails dans la photo sans trop l'enlever. Ça donne une espèce d'effet flou. Et ça, c'est un autre filtre qui est intéressant à voir dans son kit. Mm-hmm. Je présume, il doit avoir, j'ai jamais regardé, j'ai jamais magasiné pour ça, mais il doit avoir des filtres de couleurs aussi. Pour... Ah oui, les filtres de couleurs, ça, personnellement, j'ai jamais expérimenté avec ça, mais je sais que ça vient éliminer certaines couleurs du spectre de lumière. Mm-hmm. Bon, en noir et blanc, ça a son utilité. En couleur, ben, c'est carrément, si on a un filtre jaune, ben, ça vient couper, ça vient donner un look plus jaune, finalement. Mm-hmm. Bleu, rouge. Je sais qu'il y a des utilités à ça en noir et blanc ou en ultra-rouge. J'ai vraiment pas joué avec ces filtres-là. Mais quand je disais qu'il y en a une centaine, c'est pas des farces. Il y en a de différentes intensités. Quand on parle des filtres gradués, il y en a qui coupent 8 stops, comme Nicolas disait. Il y en a qui coupent juste 4 stops aussi. Ou 2. Dépendamment de ce qu'on a de besoin. Mm-hmm. Bon, c'est là que le logiciel est pratique parce qu'on peut vraiment jouer avec son petit slider pour aller mettre plus ou moins d'effets. Mais bon, quand on veut travailler, je dirais, à l'ancienne, plus... Ben, c'est plus méthodique jusqu'à un certain... Ben oui, c'est un peu ça, parce que dans le fond... à l'ancienne, ben c'est ça. Ben, c'est... Tu dis artistiquement, t'as pas complètement tort, parce que dans le fond, en réalité, c'est l'avantage que t'as qui n'est pas mineur. Oui, tu peux le changer puis l'arranger avec ton logiciel après, mais si tu le fais correctement, puis tu prends ta photo comme ça, tu t'assures qu'elle est vraiment ce que tu veux. Oui. Exemple, à un certain moment donné, tu peux, avec les caméras digitales maintenant, tu peux prendre des photos en noir et blanc, puis mettre ça pour que le résultat qu'il te donne immédiatement en noir et blanc. Ben, je l'ai fait il y a un certain nombre de temps, puis c'était incroyable la différence, parce que tu le vois tout de suite. Fait que tu le sais, ah, ouais, ok, je vais corriger ça, parce que telle chose est trop foncée ou trop pâle dans quel coin, fait que tu peux tout de suite le voir. Ben, c'est la même chose avec les filtres. Si tu les as tout de suite, si tu le sais tout de suite c'est quoi le résultat, ben... Ça te sauve du temps en post-production aussi. Mm-hmm. Oui, puis si on y va du côté très technique, de mettre un filtre devant ton objectif comparé à travailler ça au logiciel, il y a de la perte d'information. Ouais. Si on va un peu trop en haut, un peu trop en bas... Ou ça peut devenir plus complexe d'obtenir le même résultat en essayant juste de jouer avec les... Oui, bon, ben, ça se débat. Ouais. Du côté logiciel, on peut faire un paquet de choses quand même. Mm-hmm. Donc surtout quand tu shoots en RAW. Ah oui, ben oui, RAW. D'ailleurs, Stéphane, je pense que... Ben, on va en parler un petit peu plus tard même. Ouais, restez à l'écoute. J'ai un autre sujet avant ça. C'est bon, le RAW versus le JPEG. Ouais. Bon, moi de mon côté, merci François. Et moi de mon côté, je vais parler de trois appareils qui sont sortis ou qui ont été annoncés récemment. Donc, et au moment d'enregistrer, on est à la fin juillet 2012, pour vous donner une idée. Donc, pour commencer, il y a le Panasonic DMC FZ200, c'est donc un nom très facile à retenir. Sa particularité, lui, c'est qu'il y a un zoom 24x, donc de 25 à 600 mm, à ouverture constante à f2.8. Ça, c'est vraiment impressionnant, sincèrement. Je pense que c'est un bridge, celui-là. Oui, c'est pas, un hybride. C'est le premier à avoir vraiment une ouverture constante, je crois. Par contre, même s'il y a une ouverture de 2.8, ne vous attendez pas à flouter l'arrière-plan facilement avec, parce que le capteur est petit. On parle d'un capteur de 1 sur 2,33 pouces. Donc, ça ne donne pas le même effet que sur un capteur rogné d'un Canon, Nikon ou d'un encore plus par rapport à un plein capteur. Là. Bon. Non, mais pour prendre, mettons, paysage, puis tout ça, de toute façon, en général, comme disait François, la profondeur de champ, on n'y va pas bien gros pour le paysage, on veut du détail. Oui, absolument. Fait que pour ça, ben, ça peut être intéressant, ça peut être quelque chose de bien quand même. Là. Mais si tu achètes un appareil comme ça pour tous les usages, ben, là tu te mets à faire du portrait, des trucs comme ça, ça peut devenir plus complexe un peu. T'as toujours des limitations. Mais bon, c'est, ça a l'air d'être un appareil quand même assez polyvalent, puis il offre quand même beaucoup de caractéristiques, de fonctionnalités. Là. Bon, on parle d'un capteur de 12 mégapixels, ce qui est raisonnable. Là. C'est rendu... En masse, honnêtement. Oui, oui. Donc, plus que ça, ben là, c'est du marketing parce que... Non, mais... Ben d'ailleurs, ça va être une conversation à avoir plus tard, j'ai l'impression. Oui, c'est pas du marketing, mais c'est pas nécessaire pour la plupart des gens, surtout quand tu achètes un appareil hybride. En tout cas, pour Les hybrides, c'est... Ben, je pense qu'ils commencent à en avoir à 18, mais en général, c'est pas mal ça, 12 mégapixels. C'est ça. Ben, j'en ai un autre qui s'en vient tantôt, là, à 16 mégapixels, puis bon, un autre à 18, mais c'est pas tout à fait un hybride. Enfin. Donc, toujours dans le Panasonic DMC-FZ200, évidemment, il peut filmer en 1080p. On parle de 50 images par seconde, jusqu'à 50 images par seconde. Là. Donc, c'est pas tout à fait du 60 images, mais ça peut donner, ça peut permettre de faire des ralentis intéressants. Donc, on parle d'une plage ISO. 1080p, 50 images par seconde? Oui. Oh, ouais. Quand même. C'est pas pire, parce que même les DSLR, les Canon, c'est pour en 1080p, c'est 30 images par seconde maximum. Ouais, t'as 30, 25, 24 souvent. Exact. Ou 30, 24. Donc, mais à 60, 50, 60 images, ça peut devenir intéressant justement si on veut faire des ralentis. Bon, au niveau de la plage ISO, par contre, c'est un peu limité. On parle jusqu'à 3200, 6400 étendu. Mais bon, c'est... En tout cas, moi, c'est très rare que je vais prendre des photos en haut de 800 ISO. 1600, ça tombe limite. Et encore là, mon appareil peut aller, je pense, à 6400 ou 12000. Mais je me rends jamais là, 12800, parce que il y a trop de bruit dans l'image. Donc, ouais, comme j'ai dit, ça dépend de qu'est-ce que tu veux faire. Oui, j'ai pris des photos à l'occasion, tu sais, genre... le spectacle de danse de ma fille que t'es limité, puis bon, c'est pas la fin du monde. Tu peux pas mettre de flash, tu peux pas rien faire, pas d'objectif assez bon dans ce temps-là. Je n'avais pris à 3200. Mm-hmm. Puis bon, en post-production, tu peux enlever un petit peu de bruit, ça peut dépanner, disons. Au moins, t'as une photo plutôt que pas en avoir. Exactement ça. C'est ça. Donc, mais quand même, si on se fie toujours encore l'aspect soit marketing ou des chiffres, tout simplement... En ce moment, ben 3200 ISO, c'est moyen. C'est moyen. Donc, ben, c'est dans la moyenne, mais il y en a beaucoup d'appareils qui font plus que ça. Puis ça, cet appareil-là, bon, on parle d'un coût d'environ 600 € parce qu'il a été annoncé sur un site français. Donc, mais on parle d'environ 750 $, 745 si on convertit. On va mettre évidemment tous les liens là, dans les notes d'épisode pour que vous puissiez retrouver les appareils et les informations. Ensuite, on a le Fujifilm Finepix F800EXR. Comme bien des appareils électroniques ou des... les noms sont toujours compliqués avec des chiffres, des lettres, mais bon. On dirait qu'ils prennent un malin plaisir, on dirait, à les faire les plus compliqués possibles. Oui, oui. En fait, c'est ce Finepix, évidemment, c'est la gamme. Et EXR, c'est une caractéristique de ces appareils-là. Donc, c'est le modèle F800, finalement, qui vient avec un capteur 16 mégapixels et qui offre un zoom optique 20x. Donc, lui, on parle de 25 à 500 mm. Donc, il est très similaire à l'autre, c'est juste qu'il zoome moins loin, finalement. Par contre, lui, l'ouverture varie. Ça va de f3.5 à f5.3, là, l'ouverture maximale pour le zoom en tant que tel. Mais quand même... 5.3 rendu à 500 mm, c'est quand même raisonnable. Oui, c'est assez standard. C'est ça. Cet appareil-là peut aller jusqu'à un ISO de 12800. En fait, le capteur aussi, en passant, c'est un capteur de 1 sur 2, un demi-pouce finalement, là, ou 1 sur 2 pouces. Je sais jamais comment le dire, mais bon. C'est un écran 3 pouces. Puis, il peut tourner de la vidéo 720p, 1080p à 30 images seconde. Et le fameux EXR dont je parlais, c'est une caractéristique des appareils de certains appareils Fujifilm qui automatise beaucoup de choses là, pour optimiser le résultat de la photo. Donc, il y a beaucoup de travail qui se fait en arrière-plan là, quand vous êtes en mode automatique, en mode EXR. Donc, ça peut réduire le bruit, ajuster, c'est ça, l'ISO. La plage dynamique, un paquet de trucs comme ça. La particularité de cet appareil-là, c'est qu'il fait, il y a le transfert Wi-Fi intégré vers votre téléphone ou votre tablette. Ça, c'est très, très cool. Pour ensuite, tout de suite, le publier sur Facebook, Flickr, peu importe. Au lieu de passer par une petite carte SD Wi-Fi ou quelque chose comme ça. C'est ça. C'est très, très bon, ça. Intéressant. Puis, c'est pas cher. On parle de 330 $ canadiens pour celui-là. Quand Donc, un bon petit appareil pour les gens qui veulent un appareil compact avec beaucoup de caractéristiques. Mm-hmm. Et le dessert, c'est le Canon EOS M. M pour mirrorless ou sans miroir. Mm-hmm. C'est un appareil avec un capteur APS-C, donc le capteur rogné des appareils de Canon, là, d'entrée de gamme. Et, ben, en fait, la plupart des, même mon 60D, finalement, il y a le même c'est type ça. De donc, capteur. Donc, j'ai, avec ma série de lentilles Canon, je peux carrément mettre ça sur la caméra. C'est non. Mais là, pas de base, tu voles mon punch. Ah. Mais bon, on parle de 18 mégapixels. Je vais donner quelques petites caractéristiques et on va arriver à ça, à ce petit détail après. Donc, 18 mégapixels, processeur DigiX 5, un écran tactile de 3 pouces à 1 040 000 points, une plage ISO pouvant aller jusqu'à 25 600 quand même et qui filme en 1080p, évidemment, tout ça. Finalement, comme Christian le mentionnait avant l'émission, c'est à peu près l'équivalent du Canon T4i, mais dans un boîtier plus compact. Ça vient avec un objectif 22 mm. On peut changer l'objectif de cet appareil-là, donc il est dans la famille EOS. C'est un DSLR, on peut changer l'objectif. Donc l'objectif 22 mm f2.0 STM, donc, le fameux stop motor dont on parlait avec Rémi. Le dernier épisode. Mais il y aura aussi un objectif 18-55, donc f3.5 à f5.6, avec stabilisation d'image et stop motor, le STM. Et cet appareil-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir un adaptateur pour y brancher les objectifs Canon. C'est vrai? Oui. Ah ben! Mais ça fait un peu étrange, disons. Ouais. Parce que je n'ai vu une avec une grosse... c'est quoi? C'est la 70-200. Ah ouais. Oh, mon Dieu. La 2.8. J'ai vu une photo sur Internet, puis j'ai comme... Non mais... C'est gros, là. Ça commence à être gros longtemps. J'ai vu là. Pire que ça. J'ai vu un adaptateur de lentilles EF ou EFS pour iPhone. Ça existe. Ouais. Alors, oui. C'est ridicule rendu ouais, là. Ouais, là. Fait que côté bizarrerie, là. Ouais, mais ouais, je serais curieux de voir les photos, je les ai pas vues. Mais ben, en fait, ça permet de zoomer sans perte de qualité d'image, mais t'as pas beaucoup de réglages manuels avec un iPhone. Là. Ben, il y a quelques applications, mais effectivement, c'est pas un boîtier, là. On s'entend. C'est ça. Donc, mais bon, pour le kick. C'est ça. Et là, ben, pour cet appareil-là, on parle d'environ 800 $ américains. Donc, puis autour de 830 $ canadiens, ce qui n'est pas une grosse différence, étant donné la fluctuation des taux de change. Il commence à être temps d'avoir des prix assez semblables pour des choses Canada, États-Unis. Oui, oui. D'ailleurs, justement, ben, on en parle parce que tu en as un sur ton bureau ici, mais c'est pas de la photographie, mais on va faire un petit aparté parce que ça a du sens, mais le Google Nexus, la tablette, Google Nexus 7, il y a que 10 $ de différence entre la version américaine et la version canadienne. Bravo à Google parce que... On parle de 3-4%, ce qui est le taux de change actuel. C'est ça, exactement, mais il y a pas longtemps, il y avait encore la grosse différence entre les deux, là. Oui. Fait que, on espère que pour ce qui est aussi, si Canon a commencé à le faire pour cela, est-ce que ça s'en vient pour le reste aussi? Mm-hmm. On le souhaite ardemment. Ouais. Ça serait vraiment une bonne chose. Ben, ça dépend. Quand le taux de change reste quand même assez stable, qu'il n'y a pas une grosse différence, ça devient plus intéressant pour les manufacturiers. Ça fait un bout de temps là, qu'on est quand la même chose, puis ils n'annoncent pas de différence avant 2-3 ans. C'est ça. Mais je vais faire une petite parenthèse aussi sur. Parce qu'on parlait d'objectif prime plus tôt. Puis ce qui est intéressant avec celui de la EOS M, c'est le 22 mm. Ben, quand on fait le facteur transformé, parce que c'est un capteur rogné versus un plein capteur, ça nous donne dans le fond un objectif 35 mm. Oui, exactement. Des objectifs 35 mm des anciennes caméras. Ce que je trouve qui est une très bonne chose, j'ai trouvé. C'est une bonne idée pour de Canon d'avoir fait ça. Oui. L'objectif est quand même assez petit. Il n'est pas trop encombrant. Mm-hmm. L'autre par contre, je le trouve assez gros, là, le 1855, là, ça commence à être assez large. Là. Oubliez ça de mettre ça dans votre poche. Mais avec celui-là, avec le 22, c'est pas si mal. Mais encore ça prend une bonne poche, là, mais ça se fait. Mais c'est pas juste une question de transport non plus. C'est une question... Moi, je suis allé en vacances avec mon 60D puis mon objectif Sigma 1750. Puis ma conjointe, elle avait aucun plaisir à prendre des photos avec ça. Non, j'en doute pas. Donc, tu mets un boîtier comme ça avec une 1855 qui va donner quand même un peu de polyvalence à l'appareil, un peu de flexibilité. Ça peut devenir plus intéressant comme appareil familial. En effet. Donc, puis le 60D, ben ça reste pour les sorties photos, les événements, les trucs comme ça, ou le vote 7D, l'artistique, etc. Je suis d'accord. Ouais. Ben, moi, j'y pense, j'en voudrais une petite caméra comme ça. Puis bon, celle-là est intéressante. Il y a quelques affaires qui me... Oui, c'est pas un appareil parfait, c'est pas la révolution, là, mais... Ben, honnêtement, c'est simple, il y a une chose manquante, selon moi. Puis, il n'y a pas un petit bouton pour mettre les modes manuels ou le mode priorité sur la... que ce soit priorité à la vitesse ou à l'ouverture. Okay. Il n'y a pas de bouton pour ça. Oh, OK. J'avais même pas remarqué ça. Non, c'est dans les menus, les affaires. Il y a quelques affaires qui se... Ah non, on peut aller dans le menu. C'est pas physique. C'est une question physique. Non, c'est une décision. C'est une décision. Il y aurait pu parce que certains des appareils, exemple, c'est quoi? C'est la G11 de Canon, a le même petit bouton qui te permet de tourner sur le dessus. Ils ont décidé de pas le mettre. Mais c'est peut-être une question de design, en fait. Parce que pour compétitionner les Nikon V1, J1... Ils l'ont, eux? Ben oui. Ah, oh, je me souvenais pas de ça. Oui, ah, oui. Ah, désolé. Oui, c'est ça, je te dis. C'est pour ça que je trouve que... Ouais. Pour couper ça, dans les coups, je ça, sais pas. C'est possible. Mais avec un écran tactile, c'est plus rapide. Non, je sais que c'est pas la fin du monde. À moins que ce soit un changement de philosophie. Peut-être. Tu sais qu'ils veulent... Amener ça ailleurs ou que ça soit pas, regarde, que ça fasse moins ça, peur. C'est le puriste en moi que ça l'énerve parce que moi j'aime ça. Tu as accès rapidement. C'est sûr que ça te fait un ou deux affaires de plus. C'est pas la fin du monde, entendons-nous. Mais j'aurais aimé ça l'avoir. Peut-être que dans le micro-logiciel, le firmware, on va peut-être pouvoir se mettre un raccourci quelconque peut-être. Dans les fonctions personnalisées. Peut-être. Ça sera je sais voir. Pas, regarde. On peut pas jouer encore avec. De toute façon, je pense qu'elle sort pas au avant mois d'octobre. Quelque chose comme ça, c'est ce que j'allais dire. J'ai hâte d'avoir pareil. Je suis intrigué. Je reste que masser ma petite Fujifilm X100 qui m'intéresse encore. Mais bon. Il démarre pas. Non, j'aimerais bien ça l'essayer. Bon, alors, moi, j'ai fait le tour de mon sujet, les nouveaux appareils. On va passer maintenant au sujet de Nicolas qui va enfin nous éclairer avec le sujet de la lumière. Oui, donc je vais commencer pour un peu démentir qu'est-ce que vous aviez dit la dernière fois à l'épisode 3. Vous aviez dit que les capteurs plein format étaient plus lumineux, ce qui n'est pas tout à fait vrai. C'est vrai qu'il y a une plus grande surface qui permet d'avoir plus de lumière, mais on prend aussi une image plus large. Alors, la lumière, ça marche un peu comme la pression. On a plus de lumière qui rentre, mais elle est distribuée sur une plus grande surface. Okay. Donc, la quantité de lumière en tant que telle reste la même sur chaque partie du capteur. Okay. Même si les photosites sont plus grands, c'est ça? Même si chaque pixel dans le fond du capteur est plus grand. Chaque pixel du capteur est plus grand, mais prend aussi une plus grande surface de l'image. Donc, ça finit, c'est minime la fraction, c'est minime le changement que ça peut faire. Okay. Le plus grand changement, c'est le rapport signal sur bruit. Ça nous permet d'avoir une plus grande sensibilité pour avoir moins justement de grains dans la photo, moins de bruit qui paraît. Okay. On voit ça, le bruit, quand on augmente vraiment l'ISO plus haut. Et puis ça, c'est pour ça que ces appareils-là ont une ISO qui peut monter beaucoup, beaucoup plus haut que les capteurs rognés. Okay. C'est pour ça aussi que le petit appareil dont tu as parlé un petit peu plus tôt a une ISO qui monte seulement jusqu'à 3200. Mm-hmm. Parce que le capteur est plus petit, donc monter plus haut que ça aurait rajouté beaucoup trop de bruit pour que l'image soit utilisable. Même que je suis prêt à... J'ai pas vu de photo, mais je suis prêt à gager que... Entre, mettons, ma 7D et main à 3200 et l'appareil que tu parlais plutôt à 3200, il n'y aura aucune comparaison faisable. Et tout comme on va, mettons, à une 5D Mark III, il n'y a pas de comparaison à 3200 entre la mienne et l'autre. Il va y avoir une différence énorme de bruit. La performance est quand même très différente. Mais ça, je pense qu'on l'avait abordé déjà, qu'il y avait une grosse différence. Mais ça, la performance, c'est aussi dû à la qualité des composantes que tu utilises. Parce qu'une caméra comme une 5D, ça coûte plus dans les environs 3 000-4 000 $. Donc, ça leur permet d'utiliser des composantes qui coûtent plus cher. Donc, des composantes de meilleure qualité qui enlèvent plus de bruit, qui mettent moins de bruit dans la photo. Tandis que quand on prend une caméra comme une T2i, moi qui m'a coûté environ 500-600 $, là, les composantes ont été diminuées de qualité, ce qui... Mais ça, c'est intéressant que tu en parles parce que par rapport aux composantes, il y a beaucoup de monde qui s'ostine sur l'Internet en disant « C'est-tu vrai que ça coûte vraiment plus cher? » Ou c'est parce qu'ils en font moins? C'est là que le débat est comme dur à dire parce que oui, c'est sûr que ça coûte légèrement plus cher, mais est-ce que ça vaut vraiment tant que ça plus cher? Peut-être que les deux entrent en ligne de compte. Ils en font moins et prennent des composantes d'un peu de meilleure qualité. Et donc, il y a deux facteurs qui font que le prix augmente. Voulez-vous la preuve de ça? C'est que Nikon s'en vient avec la D600 qui va être environ 1 500 $ et plein capteur. OK. Alors, il y a quelque chose là-dedans. C'est pas parfait, là. Je dis pas que, oui, regarde, ça va leur coûter plus cher. Il y a plus de recherche de développement. Il y a plus de choses, etc. Mais t'as de là à tripler des fois le prix, là. Mm-hmm. T'es un peu sceptique quand même par rapport à ça, là. Il y a beaucoup de manufacturiers, etc. Mais en tout cas, il y a personne qui s'entend sur Internet par rapport à ça. Déjà, le capteur, juste le capteur plein format, est à peu près 2,5 fois plus de surface qu'un capteur rogné. Donc, on peut en faire deux fois moins sur une même... Sur la même plaque, où les capteurs sont créés. Donc là, encore une fois, ça coûte plus cher en matériaux. Donc, des fois, c'est justement, il y a Nikon qui s'en venait avec le D600 qui va venir un peu changer le débat plein format contre capteur rogné. Puis je voyais que, par contre, je me rappelle pas si c'est Canon ou si c'est Nikon, qui automatise beaucoup, beaucoup plus de choses comme ça par rapport à l'assemblage de leurs caméras, etc., et qui font réduire les coûts énormément. Okay. Ça aussi va rentrer en ligne de compte dans est-ce que les appareils photo vont descendre de prix beaucoup dans les prochaines années. Oui. Parfait. Mais ce que je retiens, moi, c'est vraiment, c'est pas parce que tu as une plus grande surface que la lumière va être mieux utilisée. Donc, c'est bon, ça. C'est bon que tu aies apporté cette précision-là. Excellent, merci bien. Donc, messieurs, passons à la discussion parce que c'est ça, on a décidé de faire. Ben, en fait, c'est l'idée de Nicolas. C'est son idée de sujet de parler, de faire un petit débat format RAW versus JPEG. Parce que, évidemment, la plupart des gens qui ont des appareils compacts ou hybrides et tout ça, même certains qui ont des DSLR, vont prendre des photos en format de JPEG, tout simplement. Puis il y en a d'autres qui ne jurent que par le format RAW. Tiens, messieurs, j'aimerais avoir votre avis sur le sujet, même si je le connais. Ben moi, je me lance. Pour moi, c'est pas un débat, carrément. C'est quelque chose... Je suis d'accord. c'est quelque chose, c'est un choix selon ce qu'on veut faire de notre photo. Donc, c'est pas compliqué. On va y aller en JPEG si on veut... La distribuer à sa famille, envoyer ça rapidement online, faire une copie rapide à quelqu'un, parce qu'on peut quand même les ajuster nos photos là, dans les logiciels de retouche photo. On a un peu moins de latitude que dans RAW, mais quand on a besoin juste de transférer nos photos à quelqu'un rapidement ou sur un site web, le JPEG, c'est là pour ça. Si on va dans le RAW, attention, c'est un format qui ne peut être que lu par certains logiciels. Donc, on ne peut même pas les visionner avec les logiciels qui viennent avec les ordis de base. Ça prend le logiciel qui peut lire le format RAW. Peut-être un peu moins maintenant. Pas sur PC. Tu peux pas, mais sur Mac, tu peux. Ah bon, ouais, okay. Mais encore là... N'étant pas un utilisateur de Mac, je savais pas ça. Encore là, souvent, tu achètes un appareil photo et souvent, ils vont comme Canon, va te fournir le logiciel Camera RAW ou des trucs comme ça. Oui, là, mais bon, on s'entend que pour ma tante Nicole, elle va pas installer le logiciel de photo. Elle va prendre sa photo puis elle va vouloir montrer ça à son petit-neveu. J'aurais plus tendance à penser que d'habitude, il passe au travers puis installe toutes ces affaires-là pour rien. Donc, à la limite, sans blague, en général, ils ont plus tendance à tout installer ces affaires-là, même si en réalité, ils n'en ont pas besoin. Bon, ben, peut-être. Ben, en tout cas, c'est mon expérience personnelle. J'étais trop geek. À chaque fois que je suis pogné pour réinstaller, parce que je suis le techno-geek de ma gang, fait que c'est moi qui réinstalle tous les PC de tout le monde. Ouais. Puis là, tout le monde arrive avec sa pile de CD puis des caméras, puis je suis comme, non, regarde, t'en as pas besoin de ça. On va t'arranger quelque chose. Ouais. Donc, c'est ça. Puis évidemment, Le RAW, c'est vraiment axé retouche photo, étant donné que c'est un type de format qui peut permettre... Ah, ben tiens, Christian qui hoche de la tête. Il doute un peu. Ouais, non, ouais. C'est facile. Moi, j'irais toujours RAW. Si t'as la possibilité, j'y vais. Parce que avant, les deux problèmes que t'avais avec le RAW, c'était la grosseur de tes cartes de mémoire. Mm-hmm. Parce que, bon, on s'entend que, dépendant des caméras, exemple comme la mienne, qui est une 18 mégapixels, mes photos en RAW, c'est entre 25 et 30 mégs, à peu près, chaque photo. Fait que, oui, on s'entend que ça descend pas mal. Rapidement, tu laisses pas beaucoup de place sur une carte de 8 gigs, là. C'est comme 250 photos, je pense, si ma mémoire est bonne. C'est pas énorme, mais si tu penses à autrefois avec les 24 pauses, c'était un peu mon point. Oui, c'est pas énorme, mais en même temps, c'est en masse. Oui, c'est pas tant que ça. Regarde, de toute façon, je suggère à personne de prendre 1000 photos sur une même carte. Parce que si la carte est brisée, videz-la au plus vite. De carte. Là. C'est mieux d'avoir deux cartes de 8 gigs ou de 16 gigs ou de 32 gigs qu'une de 64 gigs. Exactement. Parce qu'il peut arriver n'importe quoi avec votre carte, avec votre appareil photo, perdu, volé, une corruption de la carte. Oui, c'est ça. Tu perds un tas de photos. Ouais, exact. Comme moi, une semaine de voyage, j'ai minimum 3 cartes, parfois 4 pour prendre mes photos. J'en prends peut-être 200 par carte, puis c'est tout. Voilà. C'est ça. Puis l'avantage, c'est que, comme il disait, c'est que c'est beaucoup plus facile de retoucher tes photos en RAW. Puis maintenant, il y a des logiciels gratuits, il y a des affaires qu'on... C'est relativement facile de le faire maintenant, c'est plus trop dur. Puis c'est parce que après, pourquoi moi je dis ça, c'est que là, tu dis pour redistribuer, ouais, mais c'est le même logiciel-là, te permettre de le transformer en JPEG par après. Mm-hmm. Fait que moi, je garde toutes mes photos en RAW, bon, j'ai de la place, ça me dérange pas, mais là, tranquillement, je suis en train de justement faire le ménage, puis oui, j'en efface quelques-unes, mais ceux que je veux garder, je les transfère en JPEG ailleurs. Mm-hmm. Fait que ça me permet d'économiser de la place, puis tout ça, mais les premières fois que tu joues avec tes photos en RAW, puis que tu vois tout ce que tu peux faire, je me rappelle dans une des photos que j'ai pris pour j'ai fait des photos de maternité pour une de mes amies, puis ça, elle avait un linge sur elle qui était jaune, puis elle a les yeux verts. Puis avec le RAW, j'ai pu changer la couleur du jaune et le transformer en vert, et je vous défie de voir. Ça paraît pas du tout. Mm. Parce que tu changes, c'est comme tous les canaux de lumière, de couleur, etc. Tout est disponible. Tu peux tout jouer avec ça comme tu veux avec le RAW, parce que il n'y a aucune compression quelle qu'elle soit. Fait que ça m'a permis d'avoir presque le même vert qu'elle avait dans ses yeux. Fait que la photo, elle a plus du tout l'air de la même chose, là. Mm-hmm. C'est beaucoup plus fort. Fait que toutes ces affaires-là permettent tellement de flexibilité que pourquoi pas? Moi, je vous dis, essayez-vous. Mm-hmm. Au début, moi, je faisais juste des photos en automatique. Je faisais juste des photos en JPEG sur ma caméra. Ben j'avais peur, je savais pas qu'est-ce que je... Essayez-vous. Ça vaut la peine quand on découvre ça. Puis, regarde, s'il faut... ça vous tente pas, c'est pas grave, allez-y en JPEG, pas de problème. Mais si vous voulez améliorer vos photos, vous voulez faire des affaires le fun, RAW. De toute façon, je me laisse toujours, je sais pas si c'est sur plusieurs types de caméras, mais je me laisse toujours l'option, moi sur ma caméra, c'est RAW plus JPEG. Oui. Donc, à chaque clic que je fais, il enregistre et en RAW et en JPEG. Oui. Quand je mets les photos sur mon ordi, sur mon disque dur, je me fais un dossier RAW puis un dossier JPEG. Pour chaque. Fait que, évidemment, je retouche pas mes photos à chaque fois. Donc, quand quelqu'un me demande des photos, j'envoie des photos JPEG, je les ai. Quand je veux retoucher mes photos, je vais dans le dossier RAW puis je m'amuse avec. Mm-hmm. Évidemment, une fois qu'on a fini de retoucher les photos RAW, tu les exportes en JPEG. Ça, on n'a pas parlé, mais si on veut les distribuer après nos photos, que ça soit facile à lire par tout le monde, il faut les mettre en JPEG. Ouais, on n'a pas vraiment le choix. C'est ça. Pas de doute. Mais moi, c'est ma solution. Je shoot et en RAW et en JPEG. Puis si vous avez les moyens, vous pouvez vous acheter une belle Canon 5D Mark III qui a deux cartes dedans, une carte SD et une carte Compact Flash, puis tu peux décider... C'est pas vrai. Oh, oui. Tu peux dire une carte JPEG puis une carte RAW? Oui, puis tu peux décider... C'est ça. Par contre, quoi. Mais les Nikon font déjà ça, je pense. Les deux le font. Mais Nikon le faisait avant, je crois. Je crois que tu as raison là-dessus, ça c'est vrai, par exemple. La seule chose, c'est que, mettons, comme la D4, là, un format étrange qui est le XQD, oh, c'est ça. C'est Sony seulement qui ont parti ça. En tout cas, ça fait chialer beaucoup de monde, là, mais bon. Mais c'est ça. Fait que t'as une carte de même qui est, par contre, ultra rapide. Ça, mm-hmm. je peux y donner. Puis l'autre, c'est une compact flash. Mais quand même, en tout cas, c'est beaucoup des professionnels, justement, utilisent ça, qui vont prendre une photo sur une photo sur l'autre. Parce que ça dépanne, c'est pratique. T'as une copie de sauvegarde à la limite. Exactement, exactement. Ouais. Peut-être moins de flexibilité, mais si t'es pris, ben au moins tu l'as. C'est ça. Toi, Nicolas, qu'est-ce que t'en penses? Moi, maintenant, je shoot juste en RAW ou en RAW plus JPEG. Mais au début, j'étais réellement hésitant à comment prendre les photos. Parce que c'est vraiment, quand tu commences en photo, t'as des petites cartes mémoire, t'as pas grand-chose. Puis là, tu vois que tu remplis ça pas mal vite. Et puis ton disque dur, c'est intimidant, ouais. C'est comme un pas à faire. Mais je me dis, faut le faire ce pas-là parce qu'on ne sait pas, peut-être que pour l'instant, tu n'as pas le goût d'éditer tes photos, mais on ne sait pas si dans 2 ans, tu vas retrouver la même photo. Puis là, tu vas avoir découvert les nouveaux logiciels qui vont te permettre avec des nouvelles fonctions parce que le RAW, c'est réellement le fichier brut. Donc, on peut, si les nouveaux logiciels incluent les nouvelles fonctions, on peut les ajouter à nos vieilles photos qu'on n'a pas exportées en JPEG ou qu'on peut garder des versions exportées en JPEG la première fois. Et la réexporter une autre fois, ça nous permet d'avoir des nouvelles fonctions plus tard quand les nouveaux logiciels, justement, pour exporter des photos vont sortir. Très bon point. Excellent argument. Ouais. Ça m'est arrivé moi-même, je te dirais. J'ai eu quelques photos que j'ai prises il y a longtemps, puis je les avais prises en RAW, puis quand j'ai commencé à connaître plus, je suis allé les rééditer, puis c'est plus la même photo quand tu sais qu'est-ce que tu fais après. Ben, c'est ça, exactement. Moi, c'est ce que j'allais dire. Le seul argument que quelqu'un pourrait avoir, c'est qu'il n'a pas envie, justement, de retravailler ses photos. Mais Nicolas avait un excellent point. En ayant toutes les photos en RAW, au pire, on les exporte en JPEG, on touche à rien. Puis plus tard, quand on va soit avoir les connaissances ou le temps et le goût, ben on peut toujours le faire. Puis ça sera jamais perdu avec les disques durs qui sont toujours. Oui, c'est ça. Ça coûte pratiquement rien maintenant. On peut stocker vraiment un tas de données. C'est ça. C'est pas cher. Donc, puis là, ben. La plupart du temps, les gens ont des cartes minimum de 8 gigaoctets, 16, donc c'est possible de shooter les deux modes sans perdre vraiment d'espace là, sur la carte, sans se limiter. C'était pas supposé être un débat? Ben c'est ça, j'étais pas certain. J'ai dit c'est soit discussion ou débat, mais moi j'ai apporté justement l'argument que les gens peut-être qui voulaient pas prendre le temps de le faire. C'est un peu mystérieux RAW aussi. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais vu ça de leur vie. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec ça. Non, mais si on n'envisage pas faire de retouches photo, jamais, parce que pourquoi qu'on shooterait en RAW aussi? Mm-hmm. C'est sûr, regarde, là-dessus. Mais, un des avantages principaux du RAW aussi, c'est de pouvoir retoucher la balance des blancs, le white balance. Oui. Ça, c'est. Non, mais attention. En JPEG et en RAW, on peut faire des retouches photo. La différence, c'est la latitude qu'on a. C'est ça, exactement. Elle est énorme. Entre un JPEG et un RAW. Tu peux corriger l'exposition sur une photo en RAW. Là, ouais, je dis, c'est incroyable. Ouais. J'ai sauvé une photo qui était surexposée, là. Tu sais, là, inutilisable, là. Puis après que j'ai fini de travailler avec, encore une fois, je vous défie de voir que c'était une photo surexposée. Elle est parfaite, la photo. Il y avait rien. Tu sais, c'est pas une photo que moi je prendrais pour exposer, là, mais tu sais, c'était pour dépanner quelqu'un, puis tout ça. Puis j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire là? Moi, je me suis trompé en arrivant à la maison. Puis quand j'ai fini avec, elle avait l'air parfaitement correcte. Mm-hmm. Non, ça peut sauver des photos, mais c'est ça. Faut prendre le temps, mais. Le goût puis l'intérêt de faire ça vient avec le temps aussi. Il suffit de prendre l'habitude de le faire puis ça change vraiment. Moi aussi, les gens, des fois, je poste des photos, je publie des photos sur Facebook ou Flickr, puis là, les gens, tu sais, belle photo. Ben souvent, je suis allé la modifier un petit peu, justement ajuster l'exposition, le contraste, la saturation, la balance des blancs. Juste des petites retouches comme ça que avant en argentique, quelqu'un faisait dans sa chambre noire en modifiant la façon dont il développait son film, tout c'était simplement. C'était de l'art, là. Oui, oui. Ben oui, moi, j'avais aucun intérêt. Je serais curieux de le faire, mais j'avais aucun intérêt. J'ai pris des cours de ça au secondaire. J'avais pas détesté ça, mais j'avais pas super gros aimé ça. Mm-hmm. Puis maintenant, je payerais pour retourner faire ces cours-là parce que ça m'intéresse maintenant. C'est ça. Mais tu vois, c'est que tu as développé justement l'intérêt pour ça. Puis là, maintenant, tu as la curiosité de vouloir le faire. Mais la plupart des gens, ça les, tu sais, de prime abord, c'est, ça fait peur. Entendons-nous tout le monde autour de la table, c'est que, en partant, si tu t'achètes un appareil que le RAW, c'est vraiment probablement un DSLR. Si tu t'achètes un DSLR, c'est rare que t'as pas beaucoup d'intérêt, que t'achètes juste ça parce que tu veux ça. T'as l'intérêt d'aller un peu plus loin en général. Ouais. C'est rare que tu vas arrêter, puis tu vas prendre un DSLR, puis tu vas l'utiliser en mode automatique, puis tu feras rien d'autre avec. Mm-hmm. il y en a, là, ma mère, je dis pas ça méchamment, là, mais tu sais, je veux dire, elle, ça y tente pas. J'ai dit en parler, ça y tente pas, il y a pas de problème, je respecte ça, j'ai pas de trouble, mais en général, tous ceux que je connais qui ont ça ont poussé un peu plus loin avec le temps. Ouais, surtout si t'as pris la peine de t'abonner au podcast. Écoute ce qu'on a à dire, effectivement, tu vas aller chercher un peu plus. Ouais, ben, tant mieux si on réussit à justement intéresser les gens puis à leur donner envie de vouloir aller un peu plus loin, de pousser leur expérience en photo. Ben, c'est un peu le but. On veut partager notre passion. Puis, Parce que des points and click avec le RAW, il y en a quelques-uns, mais c'est pas énorme. C'est pas une belle fin de l'émission, ça. Et voilà. Ouais. Alors, concluons là-dessus. Non, mais je n'ai pas poussé la fin, mais je t'ai Non, c'est parfait. Donc, c'est, encore une fois, ça fut très agréable. Hein? C'est, oui. J'ai déjà hâte au prochain. Donc, ben merci Nicolas d'avoir été là. De rien, ça fait plaisir. Puis, justement, est-ce qu'il y a un endroit où on peut te rejoindre ou un projet que t'aimerais, dont tu aimerais faire un peu la promotion? Oui, moi, j'ai depuis l'hiver passé commencé à faire des vidéos de planche à neige. Je découvre un peu l'univers du vidéo, puis là je vais commencer vraiment plus avec justement ma DSLR à filmer sur les pentes. Mm-hmm. Et puis j'ai une chaîne sur YouTube qui pour l'instant a seulement 2 vidéos, mais l'hiver prochain ça va s'en venir. Mm-hmm. C'est le youtube.com/Criver12, C-R-I-V-E-R-1-2. Et puis il devrait y avoir beaucoup plus de vidéos qui viennent l'hiver prochain. Parfait, on va mettre ça dans les notes. Ça fait partie des choses que j'aimerais beaucoup faire des photos de snowboard. Ou j'étais à Bromont pendant mes vacances avec les enfants, puis ça, puis je voyais les gens descendre avec leur vélo de montagne. J'étais comme, je veux des photos de ça. Moi, ça a l'air super cool. Là, mais vraiment. De son côté, Nicolas, lui, c'est plus de la vidéo. Les deux choses. Honnêtement, les deux m'intéresseraient autant. Je suis pas très vidéo en général, mais j'avoue que pour ces affaires-là, c'est pas pareil. C'est le fun, ça. Puis d'ailleurs, juste pour le mentionner, j'ai l'impression qu'à un moment donné, on va aborder aussi vraiment la vidéo avec une DSLR en profondeur. Je serai là pour vous en parler. J'espère, car tu es l'expert dans le domaine. C'est vrai, c'est un sujet que j'avais pas pensé, mais c'est vrai, c'est un bon sujet, ça. Mais on va se garder ça pour un petit peu plus tard. Mm-hmm. Évidemment, c'est pas les sujets qui manquent. En effet. Donc, merci beaucoup, messieurs. Très agréable. Merci. Encore une fois. Puis de notre côté, vous pouvez comme toujours, vous pouvez nous envoyer vos questions, vos commentaires, vos suggestions de sujets par courriel à podcast@objectifnumérique.com ou à balado@objectifnumérique.com si vous préférez. Mais vous pouvez aussi le faire sur notre page Facebook, sur notre page Google+, que je viens d'ouvrir tout récemment. Donc, il n'y a pas beaucoup de matériel encore, mais vous pouvez venir nous faire un petit +1, ça va nous faire plaisir. Et comme d'habitude, sur Twitter aussi, on reçoit beaucoup de questions, commentaires et suggestions sur le compte Twitter à Haute Numérique. Puis comme on a fini nos vacances, moi et Stéphane, ça risque d'être un peu plus rapide à répondre maintenant. Oui, absolument. On est rendu après 5 épisodes à combien d'auditeurs, là, Stéphane? En fait, avant le 5e épisode, on tourne autour des 500 auditeurs. Ça varie, 450, 500, quelque chose. Wow! Donc, ça augmente tranquillement. Puis on a passé le cap des 12 000 1500 écoutes du podcast. Donc, il y a eu un boom entre le 3e et le 4e épisode. Là, il y a eu un boom de 10 000 j'avoue, écoutes. Je ne m'attendais pas à ça. 12 000, là, c'est on quand vous même, remercie beaucoup de nous écouter. Merci à tous. Beaucoup. Donc, sur ces remerciements, on vous dit merci encore une fois et à la prochaine.